Ils ressurgissent des ruines de nos actes. Il faut s'attendre au pire. On a souillé vos sols, souillé vos âmes. Craché sur nos paroles données à des femmes, à des hommes qui étaient nos égaux et avaient pour défaut parler une autre langue, prière à notre Dieu. Païen martyr, réinvestisse nos cieux. La France, on l'aime ou on la quitte. Reste un problème, nous ne sommes pas quittes. La France, tu l'aimes ou tu la quittes. Reste un problème, nous ne sommes pas quittes. Terre d'accueil et policée, peau d'exil, d'argile ou métissé. J'ai pas cherché à venir car on est venu me chercher. Alors dis-moi pourquoi la France je devrais la quitter. Marseillaise, le droit au sol. On discrimine, on positive. La peur en place le pétrole. Chez l'électeur, la haine, c'est la ville. La France. Thank you.